politique sec ici. Business de oui, et la tristesse en prime. J'ai pas qu'un refrain, j'veux le Zayak Kanye West. Et comme la plupart, j'aime pas les clés mystères. J'mets l'ex des ennemis gay, j'ai changé d'hémisphère. Un monde où ma mif et mes amis se plaisent. J'veux me voir avec Twist, Twin ou As le soir. On va à gauche à droite, mais chez nous l'amour est accessoire. J'ai une bouteille en otage, des bootlegs dégueulasses. J'écoute du Wu-Tang pétasse, fume des bouts de Zeb tout crâne. J'suis pas du genre à aller au bon char le matin. J'commence la journée avec un spark dès le matin. Moi j'encule le monde, j'suis comme un étourdi. Sur un sèche, j't'ai tout dit. Featuring mon bullshit, écoute fils. Ok, c'est Bali, un spiff de weed. Clash, ma bite dans la bouche, un gris de gris. Un pédave sans cesse, ou l'en pécane sans casse. Bali faire la top impossible, pécane sans cash. Ne compare pas à toi, joue pas le pro petit. On trouve la gorge à la Joe Petit pendant que les portes perquisent. Toi tu frimes, un beau loup et bouffon. Moi ma main traîne dans un cuss Louis Vuitton. C'est le poids de nos retours. Un cam est insu, je vais fumer un gros joint. Je canne et l'instru. Capable du meilleur comme du pire. Ou la conne de shit, puis je cogne les billes. Petit, sèche les coups, un sec tous les jours. Cache la zeb sous les couilles, pour tout l'aide sous écrou. Les servantes dans le DVD, et un split en standard. On aime le cinéma, quand ça tire dans le gendarme. Je vous floue une paramine, ça fume du shit à la paraffine. Primez avec moi, allez, pas de jeter par la vie. Moi j'encule le monde, j'vis comme un étourdi. Sur un sèche, j'ai tout dit. Featuring mon bullshit, écoute fils. Ok, c'est Bali, un spiff de weed. Clash, rabis dans la bouche, un gris de gris. Tout le monde sait que t'as un Tony Montana. T'arrives pas à vendre 100 grammes, toujours les Tony Montana. J'suis toujours en mode prolo en cabine. J'crame pour que les gamins se crassent. Porter du Calvin Klein. J'suis Pierre Cardin, en tronche la guêpe pire catin. Nouvelle paire de baskets, un soupice matin. Tu voulais jouer, juste t'as mis carton rouge. Pourquoi stupéfié on passe ton pouce. J'pèse les couilles, jamais j'passe mon tour. J'veux tout niquer comme Manchester. Parti Zunga, pack de 6 pouces. Un patchy shit pouf. Niveau rap, tout se passe ici, cousse. Les grosses putes et les domi-makers. L'amour entre parenthèses, nique le lave à Tony Parker. Les murs regardables, tu les rabalies au marqueur. Nique les michetons qui traînent au paquet à 5h. Remballe, des balis ballots. Viens frimer avec moi, tu verras du bad in paro. B, B, B, B, A, L, I. Nique, nique, nique, nique la mère à Chris le gris.